Chapitre 21e. Le colonel voyait Madame de Lucilière si facilement, si librement, qu'il était arrivé à une sécurité complète. Il n'y avait pas de raison pour que les choses ne marchassent point toujours ainsi, ou s'il y en avait, il ne les voyait pas. Cependant, Madame de Lucilière ne montrait pas une confiance aussi absolue et souvent elle l'avertissait de se tenir sur ses gardes. Si jamais notre bonheur est menacé, disait-elle, ce sera assurément par votre jalousie insensée, qui vous fait commettre les imprudences et les maladresses les plus grosses. Mais après votre jalousie et à côté, il y a un autre danger dont vous ne prenez pas assez souci, c'est la jalousie des autres. Si les autres sont jaloux comme moi, c'est donc qu'ils ont comme moi le droit de l'être. Je ne parle pas de cela. De ce côté, je suis pleinement tranquille. Personne, entendez-vous, personne n'a le droit d'être jaloux de mon amour pour vous. Mais il y a des gens qui sont jaloux, ou plutôt qui sont envieux, de l'amour que vous avez pour moi. C'est contre ceux-là que je voudrais vous mettre en défiance, et qui, d'abord et instinctivement, toutes les femmes de notre monde, les unes au point de vue personnel, comme si elles avaient éprouvé un préjudice propre, les autres au point de vue théorique, pour le principe, par cette raison qui fait que tout naturellement on se dit « Pourquoi elle et non moi » Qu'a-t-elle donc de plus que moi, cette marquise de Lucilière? A-t-elle mes cheveux? A-t-elle mes yeux? A-t-elle mon esprit? Chacun, bien entendu, a la conviction de sa perfection ou tout au moins d'une perfection particulière. Pour les femmes, c'est possible. Et je n'en sais rien, mais pour moi, je vous assure que je ne me reconnais pas des perfections telles qu'elles doivent produire ce sentiment envieux. Qu'ai-je donc qui mérite qu'on me regrette? Ne soyez pas trop modeste. Ce n'est pas modestie, c'est bonne foi. Encore si j'avais une particularité, une originalité, si j'étais seulement Horace, car vous savez que ce brave garçon marche à Paris de succès en succès, lui qui me racontait sans cesse comment un de ses camarades, noir comme lui, s'étant permis d'embrasser une jeune américaine, avait été enduit de poids, couvert de plumes et rôti vivant. À trouver en France une compensation à ces cruautés dont ses frères sont victimes quelquefois de l'autre côté de l'Atlantique. Il est devenu le héros, la coqueluche du demi-monde. Je ne le trouve plus maintenant que dormant ou mangeant des beefsteaks saignants, tant la vie qu'il mène est fatigante. Contrairement à Miss Wright, qui engraisse toutes les semaines, il maigrit tous les jours. Il paraît qu'on raconte de lui dans le monde de ses triomphes des histoires extraordinaires qui ont fait ses succès. D'indiscrétion en indiscrétion, on est arrivé à le mettre à la mode, comme Léotard. On se le dispute, on se l'arrache. Les heures sont trop courtes pour lui. Mais moi, je ne suis pas noir. Il n'y a pas d'histoire à raconter sur mon compte. Je ne vois donc pas pourquoi on pourrait me regretter. Laissons Horace. Pour vous, il me suffit de constater une chose évidente qui est l'envie. Maintenant, à côté de cette envie générale qui peut se traduire par des méchancetés ou des calomnies plus ou moins dangereuses, par des perfidies plus ou moins redoutables, il y a des regrets personnels dont nous devons, vous et moi, prendre souci. Je parlais d'Ida et de Carmelita, du baron Lazarus et du prince Mazzazzoli. Voulez-vous me permettre de vous rappeler que c'est vous qui avez maintenu des relations suivies avec le baron et le prince, alors que moi je désirais les rompre et faisais tout pour m'éloigner d'eux? Vous avez parfaitement raison, mais cela tient à un parti pris chez moi. Je ne fuis jamais ceux dont je crois avoir quelque chose à craindre. Au contraire, je vais au-devant d'eux. Quand j'ai un ennemi en face, il me paraît beaucoup moins dangereux que si je le sens dans l'ombre sans le voir. Je suis nerveuse, vous le savez, et je me fais plus facilement peur moi-même que je n'ai peur des autres. Voilà pourquoi j'ai voulu avoir Ida et Carmelita auprès de moi, justement parce que je savais que j'avais beaucoup à craindre d'elles. Vous qui vous élevez si fort contre ma jalousie, ne cédez-vous pas en ceci à la même inquiétude? Nullement. Ce qui vous tourmente, ce sont les sentiments que je peux ressentir moi-même. Ce qui me préoccupe, moi, ce sont ceux qu'on éprouve pour vous. Je ne suis pas inquiète de vous, je le suis des autres. Et je le suis d'autant plus que ces autres ont vu leur projet contrarié par notre liaison. Ont-ils renoncé à leur projet? Tout est là. Je ne veux pas que vous m'accusiez une fois encore de jouer la modestie, mais je vous assure que si les projets auxquels vous faites allusion ont existé, c'est d'une façon si vague qu'ils n'ont jamais pris corps. Ceci n'est plus de la modestie, c'est de la naïveté, ou si vous aimez mieux, de l'ignorance. Pour nous, qui ne venons point de l'autre côté de l'Atlantique, nous savons parfaitement quelles étaient les espérances du baron et du prince. L'un voulait vous faire épouser sa fille, l'autre voulait vous donner sa nièce pour femme. et ils avaient de bonnes raisons pour cela. Le baron Lazarus a entrepris des affaires considérables, qui peuvent aussi bien échouer qu'elles peuvent réussir. Demain, il peut être une grande puissance, ce soir, il peut tout aussi bien être un homme à la mer. S'il avait pour gendre un homme dans votre position de fortune, son crédit serait sauvé. Vous devez comprendre qu'il a vivement souhaité ce mariage quand il vous a vu débarquer à Paris, et tomber chez lui comme si vous lui étiez amené par la main de la Providence. Quant au prince Mazzazzoli, sa situation n'est pas la même. Il n'a pas entrepris de nombreuses affaires comme le baron. Il n'en poursuit qu'une, le mariage de sa nièce. Mais celle-là, il faut qu'elle réussisse ou il n'a qu'à aller cacher sa ruine dans les montagnes de l'Ombrie. Carmelita a été élevée, préparée, entraînée pour faire un grand mariage. Exactement comme vous entraînez un cheval spécialement en vue de gagner un grand prix. Si ce mariage ne se réalise pas, le prince, sa sœur et sa nièce ne sont pas des gens à la mer, ce sont des gens dans la boue. Faugerolles n'habille Carmelita qu'en vue de ce mariage. La comtesse fait dire des messes tous les jours à Saint-Philippe-du-Roule pour sa réussite. S'il ne réussit pas, les créanciers, lassés, s'abattent chez eux. Pauvres gens. Vous êtes arrivés comme le Messie longtemps attendu. Vous avez été troublés par la beauté de Carmelita, qui évidemment a produit sur vous une profonde impression. J'en sais quelque chose, je l'ai vu. On a donc pu croire le mariage en bon chemin. Et cette espérance a été si loin qu'on s'est lancé dans des dépenses qui étaient la réserve. Cette réserve engagée, il n'y avait plus que la ruine et la défaite. Tout à coup, vous vous êtes arrêté, ou plutôt, ce qui est bien plus grave, vous vous êtes tourné d'un autre côté. Pensez-vous que le baron et le prince, que Carmelita et Ida, soient animés, pour moi, de sentiments bien tendres? Vous les traitez en amis. Pensez-vous qu'une rupture arrivant entre nous leur serait désagréable? Pensez-vous enfin que le prince et le baron soient des gens incapables de travailler à cette rupture et d'y travailler habilement? Notez encore qu'ils ne manqueraient pas d'aide dans cette besogne, ni d'alliés, et défiez-vous, je vous prie, de la bonhomie allemande du baron, aussi bien que de l'astuce italienne du prince. Elles sont également à craindre. Tout ce qu'ils pourront faire pour nous séparer, soyez assurés qu'ils le feront, et que tous les moyens leur seront bons. Le colonel n'avait pas tardé à reconnaître le bien fondé de ses craintes et la justesse de ses pressentiments. Chaque fois que le baron Lazarus pouvait le prendre en particulier, c'était pour entamer l'éloge de la marquise, mais un éloge enthousiaste, hyperbolique. À l'entendre, on aurait pu croire que c'était lui qui était l'amant de madame de Lucilière, tandis que le colonel n'était qu'un confident aux oreilles complaisantes. Quelle femme charmante que la marquise, quelle fée! Pendant assez longtemps, son thème avait été celui-là, charmante, et tout ce qui résulte de ce mot pris comme base d'un caractère. Puis il l'avait légèrement modifié. Quelle femme séduisante que la marquise, quelle enchanteresse! Et pendant plusieurs semaines, c'était sur cette corde qu'il avait exécuté ses variations. La fée était devenue une enchanteresse, on sentait les maléfices sous ses séductions. Bien qu'allemand, le baron connaissait toutes les finesses de la langue française et savait les employer. Après la fée bienfaisante, était venue la dangereuse enchanteresse. Après l'enchanteresse, vint la sirène. Il fallait l'entendre. On ne pouvait mettre plus de tendresse dans la voix, plus d'expansion dans le geste. S'il parlait ainsi, c'était parce que l'enthousiasme l'obligeait à confesser sa foi. Assurément, à son âge, on ne pouvait pas incriminer ses intentions. On savait qu'elles étaient aussi pures que désintéressées, et c'était là justement ce qui lui permettait de relever, quand il les entendait, certains propos pleins de méchanceté et de perfidie. Le colonel, lui, ne pouvait pas entendre ces propos. On se serait bien gardé de les lui communiquer, même par insinuation. Ah, le monde parisien était vraiment bien méchant. Délicieuse ville que Paris, mais quelle corruption! Surtout quelle propension fâcheuse à la médisance et même à la calomnie. Ainsi ne disait-on pas que la marquise de Lucilière... Mais arrivé là, le baron avait été arrêté net par le colonel, de telle sorte qu'il lui avait été impossible d'ajouter un seul mot. Aller plus loin eût été s'exposer à se fâcher avec le colonel, et c'était cela précisément que le baron ne voulait pas. Plusieurs fois, il était revenu à la charge en prenant les sentiers les plus doux et les détours les mieux ménagés. Mais son adresse, aussi bien que sa bonhomie, avait été en pure perte. Soit qu'il sût, soit qu'il ne voulût pas savoir, il était évident que le colonel tiendrait toujours ses oreilles fermées à tout ce qu'on lui dirait de la marquise. L'éloge même, il le supportait difficilement. Comment lui faire admettre la plus légère parole de blâme? cet aveuglement était vraiment lamentable. Repoussé par là et d'une façon si désastreuse qu'il était bien évident que toute tentative nouvelle serait inutile et même dangereuse, le baron s'était tourné d'un autre côté. Si le colonel ne voulait pas apprendre la vérité sur sa maîtresse, le mari serait bien forcé de l'entendre sur sa femme. Qu'importerait que ce fût le colonel qui se fâchât avec Madame de Lucilière, ou bien que ce fût le marquis de Lucilière qui se fâchât avec le colonel? Théoriquement, cela pouvait avoir de l'importance, pratiquement cela n'avait aucune. En réalité, la conclusion serait la même, c'est-à-dire qu'il y aurait rupture. Et en somme, c'était tout ce que désirait le baron. Qu'elle vînt de celui-ci, qu'elle vînt de celui-là, il s'en moquait parfaitement. Ce qu'il voulait, c'était qu'elle vînt. Et même agir sur le marquis, il y avait un avantage certain. C'était de ne pas s'exposer à se brouiller avec le colonel. Quant à se brouiller avec le marquis et avec la marquise, c'était ce dont le baron ne prenait pas souci. Est-ce qu'un honnête homme comme lui, un digne père de famille, pouvait tenir à des relations intimes avec un mari tel que le marquis, avec une femme telle que la marquise? Allons donc, c'était outrager la morale que de les continuer plus loin, ces relations. Et chacun savait à Paris que le baron Lazarus était l'homme moral par excellence. Il s'était donné assez de peine à le dire et à le répéter lui-même, pour que tout le monde eût admis cela comme prouvé. Sa réputation, Dieu merci, était bien établie sous ce rapport. Parler du baron Lazarus à quelqu'un de la finance ou de la spéculation, et toutes les réponses seront les mêmes. En affaires, un compère m'adrait, mais pour le reste, le meilleur homme du monde, la simplicité en personne, est jovial et bon enfant. Il n'y a qu'à l'entendre rire pour le connaître. Seulement, une difficulté se présentait tout d'abord dans l'exécution de ce plan. C'était d'avoir la preuve que le colonel Chamberlain était l'amant de la marquise de Lucilière. Que cela fût, personne n'en doutait. Mais avec un mari, il ne suffit pas de procéder par insinuation. Il faut des preuves, alors surtout que ce mari est un marquis de Lucilière. Car si jusqu'à ce jour le marquis n'avait pas vu que sa femme était la maîtresse du colonel, c'est qu'il n'avait pas voulu le voir. Il fallait donc le lui montrer de façon que la chose lui crevât les yeux. Mais comment? Le baron savait que le colonel voyait chaque jour Madame de Lucilière chez elle. Mais que se passait-il entre eux lorsque les portes étaient closes? Cela était bien difficile à découvrir. Il avait tâché de l'apprendre pendant un séjour à Chalençon en achetant Sophie, la femme de chambre de la marquise, qui devait en savoir long. Mais Sophie, qui gagnait à se taire chaque jour beaucoup plus qu'on ne lui aurait donné pour parler une fois, avait repoussé les offres du baron et pour son propre plaisir, pour rire un peu toute seule, elle s'était amusée à le faire d'une façon pleine de simplicité et de naïveté, digne en tout point de la proposition qui lui était adressée. Il était bien certain que par ce moyen le baron n'arriverait à rien, et qu'il fallait en employer un autre, s'il voulait découvrir quelque chose. Le colonel voyait-il Madame de Lucilière ailleurs que chez elle? Cela était probable, et certains indices, recueillis un à un et groupés les uns à côté des autres, tendaient à le prouver. Ainsi le baron avait remarqué qu'à l'opéra, au théâtre et dans certaines soirées, Madame de Lucilière se retirait de bonne heure. Alors le colonel, qui allait partout où elle allait, se retirait toujours avant elle. Ces deux départs n'avaient lieu ainsi séparément que lorsque le marquis n'accompagnait pas la marquise. Au contraire, quand il venait avec elle, ils partaient presque toujours tous les trois ensemble. Il y avait là une réunion de circonstances caractéristiques. Une fois, le baron essaya de suivre la marquise qui était partie de l'opéra après le troisième acte de l'Africaine. Se jetant dans une voiture de remise, il dit au cocher, auquel il donna un louis, de suivre un coupé noir qu'il lui désigna. Mais bien que le louis eût délié le bras du cocher et par suite les jambes du cheval, il lui fut impossible de suivre le coupé, qui filait avec une extrême rapidité, hardiment mené par un cocher habile et entraîné par deux excellents chevaux. Au bout de 2 minutes, le cocher de remise arrêta son cheval lancé au galop et annonça tristement au baron qu'il ne voyait plus le coupé. « On n'a jamais conduit comme ça, » dit-il pour s'excuser. « Pour sûr, c'est des voleurs. » Le baron apprit bientôt que ses chevaux qui couraient si vite étaient un cadeau du colonel à la marquise. Pour son service particulier, Madame de Lucilière possédait de superbes chevaux de Norfolk qui faisaient belle figure, attelés à son Clarence, pour la promenade au bois. Le colonel, qui aimait les chevaux, avait été pris de pitié pour ces belles bêtes et voulant leur épargner le pénible service de la nuit. Il avait offert à Madame de Lucilière de chevaux moins beaux de forme, mais durs à la fatigue et insensibles aux intempéries. Au moins, c'était ainsi que l'histoire était racontée et l'on ajoutait, pour justifier ce cadeau, qu'il n'avait été qu'une sorte de remerciement adressé par le colonel au marquis lui-même pour une grosse somme que celui-ci venait de lui faire gagner. Mais le baron n'avait pas été dupe de cette histoire arrangée à plaisir. Le colonel n'avait pas eu pitié des chevaux de Norfolk, et s'il en avait donné de nouveau à la marquise, c'était tout simplement pour qu'elle eût deux bêtes rapides, qui lui permissent d'échapper à toute poursuite et en même temps d'arriver promptement où elle voulait aller. Revenant au système qui lui avait si mal réussi avec Sophie, le baron voulut faire tâter le cocher, mais celui-ci, qui était un Anglais plein de dignité, ne prit pas la chose comme la femme de chambre. Se campant sur ses hanches et portant vivement ses deux poings fermés à la hauteur de son visage, il offrit à l'intermédiaire de M. le baron Lazarus de le boxer. Il fallait encore une fois chercher autre chose. Mais le baron n'était pas homme à se décourager facilement. D'ailleurs, il avait plus d'un moyen d'action à son service. On sait que Paris, avant la guerre, était balayé par une armée d'Allemands qui, en grande partie, habitait de misérables garnis de la Villette et qui, les soirs, partaient de là pour se répandre dans tous les quartiers de la ville. Le baron Lazarus était très connu et jusqu'à un certain point populaire dans cette colonie. Il s'était fait le protecteur de ces pauvres gens et en échange des services qu'il leur rendait, il leur demandait quelques petits renseignements dont il avait parfois besoin ou bien il les chargeait de quelques surveillances pour eux faciles. Ce fut ainsi que, s'étant fait désigner l'escouade chargée du balayage aux alentours de l'hôtel de Neusonvaux, il trouva dans cette escouade une jeune femme à laquelle il confia la mission d'examiner les voitures qui, pendant la nuit, entraient dans cet hôtel ou stationnaient devant sa porte en notant autant que possible les heures. Au bout de 8 jours, il sut ainsi que toutes les fois que le colonel sortait d'un théâtre ou d'une soirée avant la marquise, c'était pour rentrer chez lui. Mais chose curieuse, il rentrait seul. Et la porte, une fois fermée sur sa voiture, ne se rouvrait plus. Le gaz s'éteignait aussitôt et l'hôtel semblait s'endormir. Plus de mouvement, plus de bruit, plus de lumière. Ne recevait-il pas la marquise? C'était bien invraisemblable. Alors pourquoi cette coïncidence dans le départ? Mais les Allemands ont des qualités de soin, d'exactitude et de persévérance que les Français ne possèdent pas. Et lorsque ces qualités trouvent à s'exercer dans un sens conforme à leur goût inné pour la curiosité, elles arrivent à des résultats surprenants. Ce fut ainsi que la jeune balayeuse, après avoir constaté que la grande porte de l'hôtel Neusonvaux ne s'ouvrait plus après la rentrée du maître, découvrit qu'une petite porte percée dans l'épaisseur du mur du jardin sur la rue de Valois s'ouvrait 25 ou 30 minutes après cette rentrée. Un coupé noir, attelé de 2 chevaux, qui arrivait à toute vitesse, s'arrêtait devant cette petite porte. Une femme encapuchonnée descendait du coupé, refermait elle-même la portière, car il n'y avait pas de valet de pied, disait quelques mots au cocher qui étaient toujours les mêmes, dans 1 heure ou dans 2 heures. Puis, tandis que le coupé s'éloignait avec la même rapidité qu'il était venu, la femme poussait la porte qui s'ouvrait comme si elle était tirée de l'intérieur et se refermait vivement sur elle. Ces renseignements vinrent ainsi récompenser la persévérance du baron. Maintenant, il savait quand et comment Madame de Lucilière voyait le colonel. Il était entre ses mains.